si belle quand ces notes me font taire. Quand légendaire était le concert. Elle est si belle qu'on évite de tenter. C'est si bon de s'en contenter. Elle est si belle quand elle me fait danser. Quand elle fait que je me suis senti si bien que j'en oublie de penser. Si vrai que j'arrive plus à te mentir. Elle est si belle quand elle nous fait croire qu'à part ça quoi de très essentiel. Belle comme la terre qu'elle nous fait voir chaque fois qu'on écoute en regardant le ciel. Et qu'on danse, danse, danse, danse, danse, danse dans ses yeux. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse dans ses yeux. Elle est belle quand elle touche en plein cœur, en un coup d'un accord qu'elle me bouscule ou sait faire basculer le mode abattu en mode vainqueur. Elle est belle jusque dans l'ascenseur, permet que tant de gens s'en sortent, qu'on se libère de la censure ou de l'ivresse de nos émotions fortes. Et qu'on danse, danse, danse, danse, danse, danse dans ses yeux. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse dans ses yeux. Elle est belle quand elle brise les frontières. Quand elle casse les codes, quand le texte d'une banlieusarde 10 ans plus tard devient qu'à l'école. Qu'est-ce qu'elle est belle quand c'est avec mon père. Quand je dédicace des potes, quand tu ne sais pas dire je t'aime et qu'elle t'aide à trouver ta méthode ou à te faire danser, danser, danser, danser, danser, danser dans ses yeux. Danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser dans ses yeux. Elle est belle quand elle gomme nos peines ou nous rappelle qu'elle nous accompagneront. Quand elle reste éternelle et que les fleurs faneront. Comme elle est belle quand la magie opère, tant que les voix des femmes auront passé. C'est d'ambiance et disque jockey, on continuera comme le Joker de danser, danser, danser, danser. Danser, danser, danser, danser. Car elles sont le reflet de son âme. Pourquoi me fixe-t-elle? Je l'entends me chuchoter. T'étais presque au sommet de ton art. Avec elle que j'écris mon histoire, que je passe mes nuits au tel. Avec elle que j'ai pu planter racine et atteindre les cimes de mon arbre. Elle est si belle quand ses notes me font taire. Quand légendaire était le concert. Elle est si belle qu'on évite de tenter d'écrire tout ce qu'elle nous inspire. Mais comme les mots ne vont pas suffire ce soir, j'ai préféré me contenter de danser, danser, danser, danser, danser, danser dans ses yeux. Danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser dans ses yeux. Danser, toi et moi, danser, rien que nous deux. Danser, danser, danser dans ses yeux, ne plus les fermer. Danser, toi et moi, danser, rien que nous deux. Danser, danser, danser dans ses yeux, tant qu'il le permet. Danser, toi et moi, danser, rien que nous deux. Danser, danser, danser dans ses yeux, ne plus les fermer.